Ce livre invite petits et grands à découvrir le métier de muletinier, ces tisseurs de batistes qui furent le fleuron du cambrésis. Au fil des pages, on descend dans la fraîcheur d'une cave où chante un vieux métier à tisser. L'odeur du lin, la lumière tamisée et le bruissement de la navette font revivre un savoir-faire précieux. Parce que comprendre le passé, c'est tisser l'avenir, cet album rappelle l'importance de préserver notre patrimoine textile et la mémoire de ceux qui l'ont façonné. Quand tu entends ce son, il est temps de tourner la page. Voici l'histoire de Monsieur Muletinier. Monsieur Muletinier habite le pays du Nord, un pays où parfois le vent souffle fort, un pays où le soleil joue très souvent à cache-cache avec de gros nuages blancs, et où une jolie petite rivière du nom d'Erclin se promène entre les champs d'avoine et de lin. C'est précisément dans le village d'Avesnes-les-Aubers que M. Muletinier a construit une maison dont il peut être fier. Bonjour, je suis M. Muletinier. Car elle possède, comme toutes les maisons d'Avesnes-les-Aubers, un trou de blocure et une verrière. Chaque matin, dès que le coq se met à chanter, M. Muletinier se lève du bon pied et va à la cuisine retrouver sa petite femme bien-aimée. Bien dormi, mon chéri ? Oui, super ! Qui lui a préparé son petit déjeuner. Un grand bol de café, deux grosses tartines de pain grillé, de beurre et de miel tartiné. Puis, après s'être lavé, il enfile sa chemise, sa salopette et son béret, noue autour de son cou son foulard rouge préféré et glisse des sabots de bois à ses pieds. Pas besoin de prendre son cheval ou son vélo pour aller travailler, car c'est à la cave que se trouve son métier à tisser. Monsieur Muletinier est un véritable artiste. C'est un tisseur de batistes. Avec des fils de lin que sa femme a filés, il réalise une toile si belle, si fine, si raffinée qu'on la croirait tissée par d'adorables petites fées. Et toute la journée, au rythme de sa navette, actionnant les pédales et la sonnette, Monsieur Muletinier tisse en poussant la chansonnette. Et une fois la fin de la semaine arrivée, Monsieur Muletinier laisse son métier reposer. Il s'accorde une petite soirée bien méritée, retrouve ses amis pour faire la fête et s'amuser. Il échange le tarlic et tarlac de sa navette pour des chansons accompagnées à l'épinette. Dès que les étoiles au ciel sont allumées, Monsieur Muletinier sait qu'il est temps de rentrer chez lui pour passer une bonne nuit et rêver à ce tant attendu petit qui bientôt viendra sur les genoux de son papa apprendre le beau métier de muletinier.